Space Party. Le cauchemar ne fait que commencer. Space Party avec le concours de USA Import à Lille et de Disco Parnasse à Paris. Salut bande de bouffoulkesh. Salut, salut, c'est le commandant Cocteau, COCTO, à bord du 14e Space Party. C'est la 14e fois que l'on dit oui aux ovnis. Le Space Party, c'est plus fort que Michel Creton dans La Nuit des Héros. Le Space Party, c'est plus pénétrant que le film de cul sur Canal+. Le Space Party, qui a réellement compris? Qui a réellement compris? Avec dans la première session du non-stop, Cool and Cat, Nuke, Eskimos en Égypte, Nukes Nemo, Sound of Amsterdam, Second Soul, Danube Dance, Félix Chamen, et puis étant donné qu'on est très nostalgique, dans le Space Party, remixé par les Groove Busters, à savoir Dimitri et Bibi Fricotin, le Barbecue Production. Barbecue! Barbecue! Moi, j'aime bien, moi! Moi, j'aime bien, moi! Moi, j'aime bien, moi! Viens péter les plombs à la maison! Moi, j'aime bien, moi! We'll be right back. on ecstasy. We'll be right back. Gardez votre calme. Évitez d'être hermétique. Gardez votre calme. Énergie, le Space Party, tous les samedis soirs, 1h, 2h. Look at that, there are a lot of OVNI. Steve Austin ne va pas tarder avec dans la deuxième session du non-stop de cette musique de sauvage. Strong Heads, Sonic Solution, DGPC, Phenomania, Fiction, Transformer 2, Passion. Hey! Hey!

d'énergie dans le Space Party, un peu d'émotion comme dans La Nuit des Héros avec Michel Creton. Jean-Marc est instituteur dans la petite bourgade de la Razmoila. Il a 28 ans. Il a oublié d'acheter des crayons pour colorier le dessin qu'il va donner à ses élèves. Il est 8h48. À 21, ouais. Oh, Jean-Luc a 32 ans. Il est éleveur d'escargots. Il se lève pour aller les embrasser et les nourrir à petite dose. Car si la dose est trop importante, il pourrait mourir. Il est 10h29. Nous sommes dimanche matin, le pays est bien calme et les petits oiseaux chantent gaiement. C'est tout de même bizarre pour un mois d'octobre. Jérôme, le boulanger, éteint sa cigarette pour la quatrième fois. Il est 20h19. Jean-Luc et Jean-Marc sont mal dans leur peau. Il est 19h12. Jérôme, lui, par contre, est bien dans sa peau. Il n'a pas oublié hier soir le Space Party. Écoute la basse, vieux. Énergie, le 14e Space Party s'achève. Enrico Macias, Paul Prébois, Jérôme Savary, Luc de la Rochelière, Igor et Grishka Bogdanov. Qui ont réellement compris à cette musique de sauvage? Je sais pas. Musique de sauvage, vous peut-être, oui! Il va falloir attendre une semaine avant d'avoir du bon tabac dans notre tabatière, avant d'être dans une île aux enfants. Car c'est ici le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. C'est vrai, c'est un vrai paradis! Avant de quitter sa 103 Peugeot pour qu'elle aille beaucoup plus vite, le commandant Cocteau, COCTO dans la radio, vous embrasse pour le Space Party. Pour toute communication, vous savez, vous connaissez le truc, 3615 Énergie boîte aux lettres Cocteau, COCTO, ou bien par le biais du courrier, 39 avenue d'Ena, 75 116 Paris. D'ici la semaine prochaine, soyez polyvalents. Mais là, ah, dur, dur. Oui, il est 14h du mat. C'est dur parce que, éventuellement, sur un malentendu, si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même l'heure du grand choc.